Le grand chef de la tribu des Kikuyu avait mal au cul à cause des cailloux. Pour faire ses prières, il s'asseyait par terre et les petits cailloux pointus lui rentraient dans le cul. Dans le cul. Dans le cul. Dans le cul.